l'océan je sème mes mots et mes dilemmes. J'ai pris mon manteau et j'ai pris mon chapeau. J'ai posé mes pieds, ils se sont enfoncés comme si la terre voulait nous emporter vers un Éden au plus haut des sommets. Son sens, le banc d'argan devenait un écran.